Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'émissions préparées et enregistrées depuis notre domicile grâce à l'équipe des Chemins de la Philosophie et aux équipes de Radio France qui accomplissent des exploits en ces temps de confinement et que je remercie chaleureusement. Chaque soir, nous applaudissons les soignants, chaque jour, nous pensons à ceux qui sont malades. Cette série d'émissions sur les philosophes et la maladie leur est dédiée aux uns et aux autres et elle s'adresse à vous pour tenir bon ensemble. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions! Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'était les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain! C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle devrait être pour aujourd'hui. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe qu'on pourrait faire le jour même que nous l'éviterons? Emergency, paging Dr. B. Emergency. J'ai un patient en détresse respiratoire. Ok, protocole de confinement, ça peut être contagieux. On l'aimait, la traversée. On l'avait en quarantaine. Non, mais qu'est-ce qui nous arrive? Oui, bah oui, c'est plus que la fatigue, ça fait vraiment mal, quoi. D'accord. Vous faites quoi comme activité physique? Bah là, pas tellement. Vous n'avez pas prévu de faire un peu de sport ou de choses comme ça? Si, j'ai. Mais entre le. Alors, à votre avis, entre le bodybuilding et le free fight, lequel est le meilleur? Alors, vous croyez, madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? Attendez la prochaine! Et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Eh bien, je peux vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Bonjour André Consponville. Bonjour Adèle. Merci de vous prêter au jeu d'une émission à distance. Je préviens les auditeurs qu'il est possible qu'il y ait un léger décalage entre mes propos et les vôtres. Ce sont les aléas du confinement, mais ça ne va pas nous empêcher de parler aujourd'hui de philosophie et de maladie. Est-ce que je peux d'abord vous demander comment vous allez? Je vais extrêmement bien. Enfin, extrêmement bien, je vais très bien. Je n'ai aucun problème de santé actuel. Le confinement commence à me peser un petit peu. Nous sommes confinés à Paris, ma compagne et moi. L'ambiance me pèse un peu. Je trouve ce climat de catastrophe qu'évoquait d'ailleurs votre chapeau Raymond me pèse un petit peu aussi. Et je veux dire que moi, qui suis de tempérament plutôt anxieux, je m'étonne d'être aussi serein. Mais donc j'en profite. Je trouve ça au fond délicieux d'être pour une fois moins inquiet que la plupart des gens. Et vous l'expliquez comment? Ce sont les bienfaits de la philosophie? Ça peut jouer, c'est-à-dire que c'est vrai que je n'ai pas peur de la mort en général. Alors, si on me lançait que je vais mourir demain matin, sans doute je serais plus inquiet que je ne le suis. Mais l'idée de la mort ne m'affole pas, ne m'angoisse pas. Je dirais d'ailleurs de moins en moins, plus je vieillis, moins j'ai peur de la mort. Et je dois dire, ça me paraît normal. Parce qu'il est quand même moins triste de mourir à 68 ans, ce qui est mon âge, que de mourir à 20 ou 30 ans. Et donc, il me paraît normal, en vieillissant et en philosophant, d'avoir de moins en moins peur de la mort. Mais il y a aussi autre chose, c'est que je trouve que la peur diffuse dans notre pays est très nettement exagérée. Rappelons que le taux de létalité de ce Covid-19 est entre 1 et 2%. D'ailleurs, les spécialistes, ils ont fait des recherches sur Internet, pensent plutôt 0,7%. Ça veut dire que, à supposer que j'attrape le Covid, ce qui n'est pas certain, en gros, j'ai 99 chances sur 100, un peu moins à mon âge. Disons que j'ai 95 chances sur 100 d'en réchapper. Je vois pas pourquoi je serais affolé pour une maladie que je ne suis pas certain d'avoir et qui, quand bien même je l'aurais, est parfaitement bénigne dans 80% des cas et n'est mortelle que dans 1 ou 2% des cas en moyenne. Et les gens qui me disent « j'ai la peur au ventre, quelle angoisse, quelle horreur, quel cauchemar », j'ai envie de leur dire « mais il y a bien pire dans le monde et dans la vie qu'une épidémie de Covid-19, en tout cas que cette épidémie-là ». Parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une épidémie possiblement beaucoup plus grave, qui là serait une vraie catastrophe. En l'occurrence, c'est une crise sanitaire majeure. Évidemment, il y a à peu près 20 000 morts à l'heure où nous parlons en France. C'est évidemment beaucoup, beaucoup trop. Et c'est très triste pour les morts et pour leurs familles. Mais rappelons quand même qu'il meurt en France 600 000 personnes par an. Vous disiez, ayons une pensée pour les malades. Je veux bien, mais pourquoi aurais-je une pensée plus émue pour les 20 000 victimes du Covid-19 que pour les 600 000 autres, dont 150 000 qui meurent de cancer? Et parmi ceux qui meurent de cancer, il y a des milliers d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, alors que le Covid-19, par chance, si j'ose dire, tue plutôt les vieux, dont je fais partie. La moyenne d'âge des décès du Covid-19 est de 81 ans. C'est quand même beaucoup moins grave de mourir en moyenne à 81 ans que de mourir à 20 ans, 30 ans ou 40 ans, comme le font malheureusement des milliers de cancéreux. Oui, et alors c'est intéressant parce que vous, pour expliquer votre sérénité face à la probabilité de la mort, qui elle est certaine, hein, pour qui que ce soit, mais elle est peut-être plus probable en temps d'épidémie, vous invoquez des raisonnements, des stratégies et des chiffres. C'est une manière aussi pour nous de questionner la force du raisonnement dans ces cas-là. À vous entendre, on a l'impression qu'effectivement, vous qui avez fait de la philosophie toute la vie, eh bien, vous avez atteint une forme de sagesse qui vous rend serein. Ça donne envie de s'y convertir, j'imagine, pour ceux qui ne seraient pas forcément philosophes. Mais on va questionner cette utilité de la philosophie. Est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce qu'il suffit de se rassurer rationnellement quant au fait que la mort ne serait pas une catastrophe pour y parvenir? Et c'est aujourd'hui en compagnie de Montaigne qu'on va essayer de réfléchir à ce sujet. Montaigne qui affirme « la santé n'est pas le bien suprême ». Alors j'imagine que vous êtes sans doute d'accord avec lui, mais il y a quelque chose d'insolent à affirmer en pleine pandémie que la santé n'est pas le bien suprême, non? Alors attention de quoi on parle, parce que pour Montaigne en l'occurrence, la santé est peut-être justement le bien suprême. Simplement moi je fais une différence, qu'on trouve aussi chez Montaigne, mais pas dans les mêmes termes, entre un bien et une valeur. Un bien c'est quelque chose qu'on désire, qu'on a envie d'avoir. Par exemple, la santé est un bien parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Je peux envier quelqu'un qui est en meilleure santé que moi. La richesse est un bien, y compris pour Montaigne, parce que je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi ou désirer la richesse. Mais une valeur au sens des valeurs morales, c'est pas quelque chose qu'on puisse envier, c'est quelque chose qu'on puisse admirer. Et personne, surtout pas Montaigne, ne va admirer quelqu'un parce qu'il est en bonne santé ou parce qu'il est riche. C'est parfaitement idiot. Ceux que Montaigne admire, Socrate, Épaminondas, Épicure, Pyrrhon, ce sont des gens qui font preuve d'intelligence, de courage, de sagesse, de liberté d'esprit. Et donc il faut distinguer la santé, qui est sans doute le bien, en tout cas pour Montaigne, le plus enviable de tous, et au fond je crois qu'il a raison, comme c'est le dicton, mieux vaut être pauvre et en bonne santé que riche et malade. Ben oui, c'est vrai. Et donc ça veut dire qu'en gros, la santé est un bien plus important, évidemment, que la richesse. Mais ce n'est pas une valeur morale, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse admirer. Et donc quand le discours ambiant, ce que j'appelle le pan-médicalisme, tente à faire de la santé la valeur suprême, pas seulement un bien désirable, tout le monde a envie d'être en bonne santé, mais quand on fait de la santé de la valeur suprême, on fait, je crois, un contresens sur la vie. Et évidemment, si la santé devient la valeur suprême, alors la médecine devient la chose la plus importante du monde. Et c'est ça que j'appelle le pan-médicalisme, c'est-à-dire en gros, déléguer aux médecins non seulement la gestion de nos maladies, ce qui est normal, mais la gestion de nos vies, de nos sociétés, ce qui me paraît pour le coup beaucoup plus inquiétant. Ce qui veut dire, si je reprends votre distinction, que la santé est un bien, peut-être le bien suprême, mais ce n'est pas une valeur. En d'autres termes, ce n'est pas la santé qui doit régir nos sociétés et nos décisions politiques, c'est ça? Exactement. Quand le sida est apparu, donc il y a 30 ou 40 ans, un de mes amis me disait, à l'époque nous étions très jeunes, il me disait « ne pas attraper le sida, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence ». Il avait évidemment raison. Ben, j'ai envie de dire aujourd'hui, a fortiori, ne pas attraper le Covid-19, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. J'ai envie d'ailleurs de dire que ne pas mourir, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Alors tout le monde préfère évidemment vivre que mourir, ça va de soi, enfin, tant que la vie est supportable, vous voyez. Mais cette espèce de discours omnubilé sur la mort où les journaux télévisés depuis 5 semaines ne parlent que de ça, avec un décompte quotidien des morts, qu'on ne confronte jamais, encore une fois, à ce chiffre, 600 000 morts par an, ce qui relativise quand même beaucoup les chiffres qu'ils nous donnent de décès quotidiens, vous voyez. Mais la peur est une passion triste. Et je dirais que la peur de la mort est peut-être la plus triste de toutes les passions. Alors, après, il y a une question de chemin personnel, de tempérament. Moi, je suis un anxieux, mais c'est pas la mort qui me fait peur. C'est l'extrême vieillesse, c'est le handicap, c'est la dépendance. J'ai beaucoup plus peur de la maladie d'Alzheimer, dont mon père est mort. Savez-vous qu'il y a en France 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer, 225 000 nouveaux cas de la maladie d'Alzheimer chaque année? Actuellement, nous sommes à 20 000 morts du Covid-19. C'est donc 10 fois plus. Alors, pour ce qui me concerne, croyez bien que j'ai beaucoup plus peur que mon médecin m'annonce que je commence une maladie d'Alzheimer, que je n'ai peur qu'il m'annonce que j'ai le Covid-19, ce qui me laisse, encore une fois, en gros, à mon âge, 95% d'en réchapper. Oui. Alors que Alzheimer, rappelons-le, le taux de guérison est de 0%. Le Covid-19, le taux de guérison est de 99%. Je m'étonne encore que les médias s'affolent à ce point, et puis sur un ton tellement larmoyant, tellement catastrophique, pour une maladie dont le taux de guérison est en gros de 99%, et que plus personne ne parle de la maladie d'Alzheimer, qui est plus fréquente, et dont le taux de guérison est de 0%. Donc je ne prétends pas être plus courageux que les autres, ni plus sage que les autres. J'ai atrocement peur de la maladie d'Alzheimer, je crains un AVC, je crains le handicap, je crains la dépendance, je ne crains pas le Covid-19. Eh bien, parlons de maladie en général, et pas simplement du Covid, puisque la maladie, c'est le thème de cette semaine, les philosophes face à la maladie. On va essayer de la définir dans un premier temps en écoutant un texte de Montaigne, lu par Jean-Louis Jacopin. Dans ce texte, Montaigne se demande si finalement le fait de ne pas avoir mal, ce ne serait pas le plus grand bien que l'on puisse espérer. Écoutez. Notre bien-être n'est que la privation du mal-être. Voilà pourquoi la secte philosophique qui a le plus célébré la volupté l'a ramené à la seule absence de douleur. Le fait de n'avoir point mal, c'est avoir le plus grand bien que l'homme puisse espérer. Car ce même chatouillement et aiguillon qui se rencontrent dans certains plaisirs et semble nous élever au-dessus de la simple santé et de l'absence de douleur, cette volupté active, excitante et, je ne sais comment, cuisante et mordante, celle-là elle-même ne vise pas d'autre but que l'absence de douleur. L'ardeur qui nous porte au commerce charnel des femmes ne cherche qu'à chasser la peine que nous apporte le désir ardent et furieux et ne demande qu'à l'assouvir et à se mettre au repos et dans l'exemption de cette fièvre. Je dis donc que si la simplicité nous achemine à n'avoir point de mal, elle nous achemine à un très heureux état pour notre condition. Il ne faut cependant pas l'imaginer à ce point obtuse qu'elle soit tout à fait sans goût. Je suis heureux de n'être pas malade, mais si je le suis, je veux savoir que je le suis, et si on me cautérise ou si on m'incise, je veux le sentir. À la vérité, si l'on déracinait la connaissance du mal, on extirperait du même coup la connaissance de la volupté, et enfin, on anéantirait l'homme. André Comte-Sponville, précisons pour l'auditeur que Montaigne savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de maladie. Il souffrait d'un mal terrible, extrêmement douloureux, la gravelle, c'est en fait des calculs rénaux, hein. Oui, il souffrait de coliques néphrétiques, comme on dit maintenant. Alors, il en a souffert assez tard. Ce n'est pas le même cas que Nietzsche, qui a toujours été de santé fragile. Montaigne se flatte lui-même d'avoir été en excellente santé pendant la majeure partie de sa vie. Mais c'est vrai que, vous savez qu'il est mort à 59 ans, c'est vrai qu'autour de la cinquantaine, il commence à souffrir de cette maladie extrêmement douloureuse dont son père est mort. Et donc, ce sont des grains de sable, des petits cailloux dans la vie. Vessie ou dans l'urètre, et c'est évidemment atrocement douloureux. Donc il sait de quoi il parle, en effet, quand il parle de douleur. Vous savez, pour la petite histoire, si j'ose dire, moi j'ai eu 3 coliques néphrétiques dans ma vie. Vous appelez SOS médecin à 2h du matin, vous souffrez atrocement, et le médecin vous fait 2 piqûres, et en 3 minutes, c'est le paradis. Quel paradis, bah, de ne plus avoir mal, évidemment. Mais sauf que pour Montaigne, ça pouvait durer des jours, ça pouvait durer des semaines. Voyez, et quand on a vécu une fois une colique néphrétique, qui grâce à la médecine d'aujourd'hui passe très facilement, on a une compassion pour Montaigne, une admiration pour Montaigne, parce qu'il en parle avec beaucoup de courage, finalement, beaucoup de lucidité et d'amour de la vie. Et c'est ça la grandeur de Montaigne, c'est que la plus grande souffrance ne l'a jamais empêché d'aimer la vie. C'est intéressant cette filiation parce qu'il semble qu'Épicure, que Montaigne affectionnait particulièrement, même s'il prend ses distances au fur et à mesure des essais avec Épicure, lui-même souffrait de la même maladie. Oui, il en serait mort, ce ne sera pas le cas de Montaigne qui en a souffert mais qui n'en est pas mort. Oui, il semble qu'Épicure soit mort de ça. Et d'ailleurs, ce que Montaigne décrit dans le texte qui vient d'être lu, quand il dit « notre bien-être n'est que la privation du mal-être », alors c'est ce que Montaigne appelle l'indolence. Ça, c'est du Épicure dans le texte. Indolence au sens littéral du mot, étymologique, c'est l'absence de douleur. Et donc, c'était exactement l'équivalent de l'ataraxie et de l'aponie chez Épicure. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble de l'âme. L'aponie, c'est l'absence de souffrance pour le corps, vous voyez. Et c'est ça que Montaigne appelle l'indolence. Cela dit, quand il dit que c'est là le plus grand bien qu'on puisse vivre, j'aurais quelques peines pour ma part à le suivre. Vous savez que j'aime infiniment Montaigne. Mais dire, je crois que lui-même ne soutiendrait pas cette position jusqu'au bout. Parce que, reprenons le texte, puisqu'on a un peu de temps. Oui. Ce qu'il nous dit, c'est que même le plaisir sexuel, dont il parle merveilleusement, hein, cette volupté active, excitante et je ne sais comment cuisante et mordante, celle-là elle-même ne vise pas d'autre but que l'absence de douleur. Attendez, lequel d'entre nous a jamais fait l'amour pour ne plus souffrir du désir? Et là, étonnamment, Montaigne est tout à fait freudien. Vous savez, dans Au-delà du principe de plaisir, Freud explique que tous nos désirs, nos pulsions, sont l'effet d'une tension désagréable ou pénible, et qu'il s'agit de retrouver la grande paix de l'inorganique, la détente, faire disparaître cette tension désagréable ou pénible. Vous imaginez un homme dire à sa compagne ou une femme dire à son amant « Écoute, j'ai une tension désagréable ou pénible au niveau du bas-ventre, il faudrait que tu fasses quelque chose pour m'en débarrasser. » On n'est pas obligé de et le dire Freud, non plus. Et chez Montaigne, disons-le, c'est un contresens sur la sexualité. La vérité, c'est que le désir sexuel, bien loin d'être une tension désagréable ou pénible, est délicieux en lui-même. Et bien loin qu'on veuille s'en débarrasser le plus vite possible, on n'a qu'un désir, surtout nous les messieurs, que ça dure, que ça dure, que ça dure, si vous voulez. Et donc, il est très intéressant de voir ici, un, Montaigne, par anticipation, rejoindre Freud, mais deux aussi, me semble-t-il, s'éloigner de ce qu'est notre expérience à tous. Et d'ailleurs, il dira lui-même, quelques pages plus bas, il ne cesse de répéter dans les essais, que le vrai but de la vie, ce n'est pas de ne pas souffrir. Ouais. Et il va critiquer Épicure parce que justement la conception que Montaigne se fait de l'ataraxie épicurienne est une conception purement négative. Alors à mon avis, chez Épicure, c'est plus compliqué que ça, mais c'est comme ça en tout cas que Montaigne le comprend l'ataraxie. Et Montaigne explique que le but de la vie en vérité, ce n'est pas de ne pas souffrir, c'est de jouir et de se réjouir, ce qui est complètement différent. Oui, c'est ça. C'est cette distance qu'il prend à l'égard d'Épicure et qui apparaît de plus en plus présente au fur et à mesure que les essais avancent, puisque les essais ont été rédigés sur de nombreuses années. Mais on en voit déjà la lumière poindre à la fin du texte qu'on a entendu, puisqu'il écrit « À la vérité, si l'on déracine la connaissance du mal, on extirperait du même coup la connaissance de la volupté et enfin, on anéantirait l'homme. » Exactement. Comme si, en fait, la connaissance du mal était une condition de celle de la que la douleur était une condition du plaisir, pour le dire autrement. Bien sûr, et là c'est pour ça que Montaigne est formidable, c'est que le passage que je critiquais, que je pointais il y a quelques instants, est freudien par anticipation. La phrase que vous venez de lire, elle est nietzschéenne par anticipation. C'est qu'on ne peut pas aimer la vie si on n'accepte pas la souffrance. Et là, c'est la notion de tragique qui apparaît ici. Au fond, ce que Montaigne reproche à Épicure d'essentiel, pour le dire en termes nietzschéens, c'est qu'Épicure est nihiliste. Alors, c'est ce que dira aussi Nietzsche, à mon avis, Nietzsche a tort de ce point de vue. Mais si on comprend l'ataraxie comme la pure absence de douleur et de trouble, encore une fois, à mon avis, c'est de faire un contresens sur Épicure, mais c'est comme ça que et Montaigne et Nietzsche le comprennent. Si on entend par ataraxie la simple absence de douleur, alors en effet, Épicure serait un penseur nihiliste. Et comme Montaigne n'est assurément pas un penseur nihiliste, il va prendre ses distances de façon de plus en plus appuyée par rapport à Épicure, tout en restant hédoniste. Mais c'est justement parce que pour Montaigne, le plaisir est le souverain bien. Et je dirais là, pour le coup, encore plus important que la santé. Parce que si Montaigne aime tellement la santé, c'est que la santé est la condition du plaisir. Quand on est trop malade, il n'y a plus que la souffrance, il n'y a plus de plaisir possible. Vous voyez. Et donc le fond du fond de la pensée de Montaigne, ça n'est pas un amour de la santé, c'est pas une pensée sanitaire, Montaigne. C'est un amour du plaisir. Oui. Mais donc, la santé est infiniment précieuse, parce qu'évidemment, elle est condition et de la vie et du plaisir. Vous avez prononcé deux termes sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête un instant, l'ataraxie et l'aponie. L'ataraxie, donc l'absence des troubles de l'âme, l'aponie à l'apostrophe aponie, l'absence des troubles du corps, Montaigne ne cesse d'interroger le lien entre les deux, pour finalement conclure que, pour atteindre une tranquillité de l'âme, il faut une tranquillité du corps. Ce qui est une manière de prouver le lien entre le corps et l'esprit. Oui, bien sûr, Montaigne ne va cesser de citer, rappelant que Montaigne, j'allais dire, est officiellement chrétien. Il le dit comme ça, il se veut catholique, etc. Et il ne cesse, sur la question du rapport entre l'âme et le corps, de citer Lucrèce, qui explique que l'âme n'est en aucun cas indépendante du corps, que l'âme est aussi matérielle que le reste du corps. Et donc, évidemment, pour lui, l'âme et le corps sont rigoureusement indissociables. Il ne cesse de le répéter. Il n'en reste pas moins que quand le corps souffre, encore une fois, Montaigne est bien placé pour le savoir, eh bien, l'âme peut essayer de résister vaillamment, et elle souffre aussi, évidemment. Hein, ne croyez pas que l'âme va être tranquille pendant que le corps se tord de douleur, mais supporter la douleur, l'accepter, essayer de penser à autre chose, ce que Montaigne appelle la diversion, vous voyez. Et donc, il y a chez Montaigne, non pas du tout un dualisme substantiel, même si, peut-être par peur de l'Église et de l'Inquisition, de pas trop rentrer dans les détails sur le rapport entre l'âme et le corps, mais il y a évidemment, malgré tout, mais comme chez tout le monde, une espèce de dualisme, non pas substantiel, mais fonctionnel. C'est-à-dire que chacun peut éprouver que quand son corps est malade, son esprit, avec un peu de chance, si la maladie du corps n'est pas trop grave, peut continuer à faire son travail d'esprit, vous voyez, sinon la philosophie serait impossible. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que la philosophie a besoin d'une santé du corps et du cerveau, hein, au moins minimal, mais que la santé du corps, évidemment, n'a jamais tenu lieu de philosophie. Et que la maladie du corps, sauf quand elle est extrêmement grave, n'empêche pas non plus de philosopher. On pourrait presque aller plus loin avec Montaigne et dire que non seulement on a besoin du repos du corps pour philosopher, mais peut-être que même on ne pratique la philosophie qu'avec une certaine prise en compte du corps. Hein. Je pense à des citations célèbres de Montaigne. « Quand je danse, je danse. Quand je dors. » Finalement, pour ajouter, « Quand je jouis pour Montaigne. » Tant, comme vous l'avez dit, il accorde de l'importance au plaisir et à notre capacité à saisir les moments que nous sommes en train de vivre. C'est dire aussi que la pensée vient de notre expérience corporelle. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est non seulement le corps, mais j'ai envie de dire, c'est l'action, ouais. C'est le présent. Et là, il y a un côté, moi, c'est ce que j'appelle le côté zen de Montaigne. J'ai fait souvent des conférences dont j'avais mis comme titre Montaigne, maître zen. Vous voyez, parce que quand je danse, bien sûr, la danse est une activité corporelle, mais c'est aussi une attention de l'esprit. Ça veut dire que quand on danse, il faut être un avec la danse, faut pas se regarder danser, sinon on est un mauvais danseur, si vous les voyez. Et c'est cette façon d'être un avec son corps, mais aussi avec son action, avec cette attention au présent dans son impermanence, c'est ce côté zen de Montaigne, effectivement, qui aboutit parfois au plus beau de ses textes, comme le texte très fameux que vous évoquiez sur le fameux « Quand je danse, je danse ». Et vous pensez que la lecture de Montaigne peut nous aider à nous rendre zen? Vous faites un lien, vous, entre votre grande fréquentation de Montaigne et votre sérénité actuelle? Oui, mais c'est un lien un peu paradoxal en quelque chose. D'abord, dit-on bien la chose, hein, la philosophie n'a jamais suffi à rien. Et j'irais même plus loin, la philosophie échoue. Ça fait partie de sa définition, et c'est ce que j'appelle le tragique, justement. Parce que si la philosophie réussissait, si tu venais de philosopher pour devenir sage et être serein, la vie ne serait pas tragique. Et donc, c'est parce que la philosophie échoue qu'elle est tragique. Mais un, Montaigne échoue génialement. Deux, il échoue en sachant qu'il échoue, en sachant que personne ne peut réussir. Et trois, et c'est ça le paradoxe que j'annonçais, c'est que Montaigne m'a fait me rapprocher un peu de la sagesse en me poussant à y renoncer. Moi, quand j'avais 18-20 ans, je lisais pas Montaigne. Je lisais Épicure, je lisais Spinoza. J'étais fasciné par la cinquième partie de l'éthique, fasciné par la lettre à Ménécée d'Épicure. Et si j'ai eu un tort, mais j'étais très jeune, bah, c'est d'y croire un peu trop. Et Montaigne, avec sa lucidité, son humanité, sa liberté d'esprit, m'a aidé à comprendre que la sagesse telle qu'Épicure ou Spinoza la pense, elle est inaccessible. En tout cas que moi, j'en suis définitivement incapable. Et Montaigne m'a aidé à l'accepter. Non pas que j'ai renoncé à toute sagesse, mais la sagesse maintenant qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle une sagesse à la Montaigne. C'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Et donc voilà, Montaigne est d'autant plus un maître de sagesse qu'il ne croit pas à la sagesse. Et donc le fait que la philosophie échoue, encore une fois c'est ce que j'appelle le tragique, ça n'est pas une raison pour renoncer à la philosophie. Comment Montaigne se serait-il comporté aujourd'hui? La question n'est pas rhétorique, elle a vraiment un sens, puisque Montaigne a, de fait, vécu une épidémie. Il s'agissait de la peste. En 1585, la peste éclate à Bordeaux. Pour la fuir, Montaigne abandonne son château avec sa mère, sa femme et sa fille dans des chariots. Et il va errer, aller d'ami en ami, chez à qui il demande le refuge. Il est parfois mal accueilli. Et il insiste sur la paranoïa que suscite la peste, qui va jusqu'à rendre malades ceux qui sont en bonne santé. Voici le texte lu par Vincent Schmitt, notre comédien lecteur, lui aussi confiné chez lui, qui nous a envoyé ces textes. Écoutez. Au dehors et au dedans de ma maison, je fus assailli par une peste violente entre toutes. De même, en effet, que les corps sains sont sujets aux plus graves maladies parce qu'ils ne peuvent être vaincus que par celles-là, de même mon air très salubre, où de mémoire d'homme la contagion, bien que voisine, n'avait pu prendre pied, venant à s'empoisonner, produisit des effets étranges. Moi qui suis si hospitalier, je fus de manière très pénible en quête d'un refuge pour ma famille. Une famille frappée d'égarement, faisant peur à ses amis et à elle-même, et horreur où qu'elle cherchât à trouver une place, ayant à changer de demeure aussitôt que quelqu'un de la troupe venait à souffrir du bout du doigt. Toutes les maladies sont prises pour des pestes. On ne se donne pas le temps de les reconnaître. Et le meilleur, c'est que, selon les règles de l'art médical, pour tout danger que l'on approche, il faut rester 40 jours dans les transes de ce mal, l'imagination vous tourmentant pendant ce temps à sa façon et enfiévrant votre santé elle-même. Tout cela m'aurait beaucoup moins affecté si je n'avais pas eu à me ressentir de la peine des autres et à servir 6 mois misérablement de guide à cette caravane. Je porte, en effet, en moi, mes moyens de préservation qui sont la résolution et la patience. L'appréhension ne me gêne guère, elle que l'on craint particulièrement dans cette maladie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, enregistrés cette semaine, chacun chez soi, et oui, comme tout le monde. Mon invité André Comte-Sponville aujourd'hui est en effet chez lui, en ligne avec nous, pour parler de maladie et de Montaigne en particulier. Le texte que l'on entend a des échos troublants avec ce que nous vivons, on va essayer de le commenter ensemble. À ceci près, je dis échos troublants, la peste était autrement contagieuse et terrible que l'épidémie du Covid-19, André Comte-Sponville. C'est ça, le taux de mortalité n'était pas de 1%, comme c'est le cas à peu près du Covid-19. Vous savez qu'au XIVe siècle, la peste noire, Montaigne c'est le XVIe bien sûr, mais au XIVe siècle, la peste noire a tué, semble-t-il, à peu près la moitié de la population européenne, soit 25 millions de morts. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'habitants en Europe qu'aujourd'hui. 50% de décès dans toute l'Europe. C'est autre chose que le Covid-19. Du temps de Montaigne, il n'y a pas eu d'épidémie aussi grave, mais il y a eu de terribles épidémies de peste, y compris à Bordeaux et dans le Bordelais, donc là où Montaigne habitait, et donc il sait tout à fait de quoi il parle. Voyez, eh bien, quand il dit « l'appréhension ne me gêne guère », j'ai envie de dire, voilà, ce que je ressens pour le Covid, encore une fois j'ai moins de mérite parce que c'est beaucoup moins grave, c'est que je n'ai pas d'appréhension. Et comprenez-moi bien, si j'étais dans un lit en train d'être réanimé, peut-être que je sois conscient, très certainement, j'aurais peur de mourir comme tout le monde, vous voyez. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi les gens ont tellement, enfin les gens, pas tous, mais beaucoup de gens, y compris autour de moi, des amis, ont tellement peur d'une maladie qu'ils n'ont pas encore, qu'ils ne sont pas certains d'avoir et dont le taux de guérison, en gros, selon l'âge qu'on a, varie entre 95 et 99%, si vous les voyez. Voilà, et j'aime bien voir chez Montaigne cette absence d'appréhension. Il a pris toutes ses précautions, de même que moi, contre la peste. Hein, il n'est pas allé chercher la contagion à dessein. Au contraire, il a tout fait pour l'éviter, de même que moi, pour tout vous dire, sans me comparer à Montaigne, mais j'applique tout à fait scrupuleusement le confinement. Oui, mais alors peut-être nous livre-t-il la réponse, celui qui questionnerait la panique et même la légitimité de la peur qui s'empare de nous aujourd'hui. Il dit bien, tout cela m'aurait beaucoup moins affecté si je n'avais pas eu à me ressentir de la peine des autres. C'est pas simplement la peur de notre mort qui effraie, c'est de voir les autres malades, de voir ceux qu'on aime souffrir, et pourquoi pas mourir, c'est un autre type de mort. Et un autre type de peur. Oui, mais bien sûr, mais encore une fois, j'ai beaucoup plus peur que mes enfants aient un cancer ou un accident de voiture, que je n'ai peur qu'ils attrapent le Covid-19, d'autant qu'encore une fois, pour eux, pour mes enfants qui sont de jeunes adultes, alors pour le coup, le risque de mort est très inférieur à 1%, il doit être de 0,2%. Moi qui suis un père très anxieux, j'ai peur de tas de choses pour mes enfants, mais le Covid-19 est l'une des choses qui les menace le moins. Et quand je vois des jeunes gens dans la rue retirer un instant leur masque pour appuyer une cigarette, si vous voulez. Le tabac, en vérité, est bien plus dangereux pour nos jeunes gens que le Covid-19. Et puis, il y a autre chose. Vous savez, la phrase que j'ai le plus souvent citée ces derniers jours, notamment pour répondre à des journalistes qui m'interrogeaient sur la pandémie, c'est une phrase de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais ceci, « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade. Tu meurs de ce que tu es vivant. » Je trouve ça formidable. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et c'est parce que, me semble-t-il, les gens ont oublié parfois, ou font semblant d'oublier qu'ils sont mortels, qu'ils ont tellement peur dès que la mort se rappelle à leur esprit de façon un peu spectaculaire, comme c'est le cas évidemment de cette pandémie. Vous voyez, si nous pensions davantage à la mort, nous vivrions mieux, de façon plus intense, parce que, comme l'a dit joliment André Gide, vous savez, dans les nourritures terrestres, André Gide décrit « Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Autrement dit, si nous pensions plus souvent que nous allons mourir tôt ou tard, pas du Covid-19 forcément, et même sans doute pas du Covid-19, mais que nous allons mourir tôt ou tard, chaque instant de notre vie deviendrait d'autant plus précieux qu'il se détacherait, comme dit là encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Vous savez, on parlera de la mort chez Montaigne tout à l'heure, mais il y a quand il dit que le but de notre carrière, c'est la mort, le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais il ajoute, et ça c'est pas dans le texte, il sera lu tout à l'heure, « Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. » Tout cela est beau. Mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant soudain et à découvert, quel tourment, quel cri, quelle rage et quel désespoir les accable. Vites-vous jamais rien si rabaissé, si changé, si confus ? Bien voilà, j'ai envie de dire, nous en sommes là. Les gens qui me parlent de désespoir. Alors maintenant, comme ça va un peu mieux dans les hôpitaux, les journalistes nous disent « l'espoir renaît ». Mais quand avait-il disparu? Comment voulez-vous qu'une maladie dont le taux de létalité est en gros de 1%, ça voue toute l'humanité au désespoir? Ça veut dire qu'en gros, 99% d'entre nous, on va s'en sortir, si vous voulez. Arrêtons de noircir systématiquement le tableau. Et quand je vois comme Montaigne affrontait sereinement la peste, en sachant que de toute façon, il allait mourir, et que la peste, c'est-à-dire pas forcément la pire mort, dit-il, parce qu'il dit, alors à tort ou à raison, je suis pas médecin, que c'est pas du tout la mort la plus douloureuse, vous voyez, mais quand je vois comme Montaigne affrontait courageusement et sereinement la peste, et comme beaucoup de nos contemporains s'affolent pour une maladie, encore une fois, mortelle à peu près dans 1% des cas, j'ai envie de me dire quand même que nous vivons à une drôle d'époque. Oui, mais une chose est de pointer le lien entre la panique suscitée par le coronavirus et le caractère inacceptable de notre propre mort. Une autre est de penser que c'est en le disant qu'on va la dissiper. Et ce que je veux dire, c'est que la peur de la mort est par définition irrationnelle et qu'aucun argument, que ce soit la lettre à Ménécée d'Épicure ou la lecture des essais, ne peut vraiment nous soulager tant la peur de la mort n'est pas une affaire d'argument, c'est quelque chose de plus viscéral. Il ne suffit pas de vouloir ne plus avoir peur de la mort pour ne plus la craindre. C'est pas une affaire de volonté. Il suffit pas de vouloir, mais le fait que tu ne fasses pas de vouloir, ça ne veut pas dire que la pensée, la méditation, l'imprégnation soient sans effet. Croyez bien que j'avais beaucoup plus peur de la mort il y a 20 ou 30 ans ou quand j'avais votre âge qu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus dire que la philosophie ne sert à rien. Elle échoue, je l'ai dit moi-même, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien. Mais surtout, encore une fois, ce qui me frappe, c'est pas que les gens aient peur de la mort. Vous avez raison, il y a une angoisse de la mort qui est inscrite dans le corps, sans doute. Mais c'est que les gens ont peur du Covid-19, encore une fois. Mais c'est le visage que prend la mort en ce moment. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'un cancer, de mourir d'Alzheimer, de mourir d'un AVC ou d'une crise cardiaque que de mourir de cette pandémie. Vous voyez ce qui est... Et ça, c'est rationnel. Parce que là, pour le coup, c'est une question de statistiques. Si les journalistes donnaient davantage les chiffres, relativisaient le nombre de décès du Covid par rapport au nombre de décès d'autres maladies, les gens seraient moins obsédés par cette fameuse pandémie de Covid-19. Qui est un problème très important. Encore une fois, c'est une crise humanitaire, une crise sanitaire, évidemment, majeure. Mais peut-être le sera-t-elle encore plus par les retombées économiques, qui pèseront d'ailleurs beaucoup plus sur les jeunes que sur nous, les retraités, que la pandémie, qui, elle, à l'inverse, pèse davantage sur les vieux que sur les jeunes. Eh bien, pour tout vous dire, pour le bientôt septuagénaire que je suis, je me fais beaucoup plus de soucis pour nos jeunes gens et pour la société que nous allons laisser et pour la dette que nous allons leur laisser que je me fais de soucis pour ma santé de septuagénaire. Mais si on parle d'irrationalité, justement, les arguments sont inutiles jusqu'au bout. On ne peut jamais apaiser une peur par oui, un argument. Je vais vous poser la question autrement. Jusqu'au bout, pourquoi diable faites-vous de la philosophie? Mais justement, je vais vous poser la question, justement, cette question-là. Et vous est-il déjà arrivé à un moment dans votre vie de connaître une grande douleur, une grande souffrance, physique ou pas, et d'avoir trouvé un véritable réconfort dans un texte de philosophie ou de littérature? Oui, en partie. Je me souviens quand nous avons perdu notre premier enfant, ma femme et moi, je disais à mon maître de philo, André Pessel, qui était mon ancien professeur de Cannes, mais qui était devenu un ami, je lui disais, écoute, j'arrive plus à lire les philosophes, sauf Spinoza. Et Pessel m'avait répondu, c'est normal, parce que lui, il n'essaye pas de te consoler. Oui. Et j'aurais pu dire aussi bien, sauf Nietzsche, sauf Montaigne, mais à l'époque, je ne l'avais pas encore lu, vous voyez. Donc, attention, encore une fois, je suis le premier à dire, je le disais tout à l'heure, que la philosophie échoue. Si vous comptez sur la philosophie pour vous consoler d'un deuil atroce, vous vous racontez des histoires. Ça n'est pas une raison pour dire que la philosophie ne sert à rien, que la méditation ne sert à rien, que la raison ne sert à rien. Vous voyez, la vérité, et c'est ça que Montaigne nous apprend, c'est qu'elle est dans la nuance, et oui. Elle est dans l'entre-deux. Ceux qui disent que la philosophie ne vaut absolument rien se trompent. Ceux qui disent que la philosophie est toute puissante se trompent aussi. La vérité, c'est ce que Montaigne appelle joliment la voie du milieu. Voilà. Et bien, j'essaye de cheminer, mais nous sommes des millions dans ce cas, sur la voie du milieu. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord peut-être en disant que la philosophie n'est pas une consolation, mais la philosophie parce qu'elle nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion, sans déni, dans leur âpreté, eh bien nous apporte une forme de soutien parce qu'elle nous permet de nous familiariser avec ce qui est, ce qui est très différent de la consolation. Oui, bien sûr, moi j'ai horreur de la consolation. Je ne supporte pas qu'on essaye de me consoler et je n'aime que les philosophes qui ne consolent pas. Mais par contre, voir les choses en face et prendre le temps de s'y habituer parce que face à la mort, Montaigne explique qu'il faut se familiariser, non pas avec la mort, parce qu'on ne la verra qu'une seule fois, mais avec l'idée de la mort. Vous voyez, et quand il dit « ils vont, ils trottent et ils dansent, de mort, nulle nouvelle », ça veut dire que les gens oublient qu'ils vont mourir. Évidemment, quand la mort se rappelle à eux, du coup, c'est atroce. Eh bien, la lucidité philosophique, savoir que nous allons mourir, prendre le temps d'y penser. Et puis, il y a quelques arguments, parce que l'argument d'Épicure, que Montaigne cite, évidemment, n'est pas non plus sans pertinence. Il ne supprime pas l'angoisse, mais il la met un petit peu à distance. Vous voyez, quand Épicure écrit que la mort n'est pas à craindre, ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est pas à craindre pour les vivants, puisqu'ils sont vivants. Et elle n'est pas à craindre pour les morts, puisqu'ils ne sont plus. L'argument est à la fois fort et insuffisant. Oui. Je vous accorde que ça ne supprime pas l'angoisse de la mort. Mais cet argument n'est pas non plus sans effet, surtout si on prend le temps, comme Montaigne le suggère à la fin de la lettre à Ménécée, de le méditer jour et nuit. C'est-à-dire que c'est pas un argument qui va vous transformer dans le temps de la lecture, mais c'est un argument dont la méditation finit par agir sur vous. Ça n'empêche pas, encore une fois, que la philosophie échoue. Nous sommes voués à la souffrance, nous sommes voués à l'angoisse. Comme dit Montaigne, c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et donc, le projet d'une ataraxie épicurienne, d'une vie sans aucun trouble, c'est un leurre. Voilà. Épicure exagère sur l'efficacité de la philosophie. Et Épicure se fait des illusions sur la philosophie. Et ce que j'aime tellement chez Montaigne, c'est qu'il m'a guéri justement de ces exagérations et de ces illusions épicuriennes qui étaient celles de ma jeunesse. Comment se réconcilier avec notre propre mort? Eh bien, en la regardant bien en face et en apprenant à cheminer à ses côtés. C'est le sens du texte de Montaigne, c'est un extrait du 20e chapitre du premier livre des essais, lu par Vincent Schmitt. Le but de notre chemin, c'est la mort. C'est là l'objet inéluctable de notre visée. Si elle nous effraie, comment est-il possible de faire un pas en avant sans fièvre ? Le remède du vulgaire, c'est de ne pas y penser. Mais de quelle stupidité de brute peut lui venir un si grossier aveuglement? Il lui faut faire brider l'âne par la queue, celui qui s'est mis dans la tête d'avancer à reculons. Ce n'est pas étonnant s'il est si souvent pris au piège. On fait peur à nos gens en nommant seulement la mort, et la plupart s'en signent comme quand ils entendent le nom du diable. Et parce qu'il en est fait mention dans les testaments, ne vous attendez pas à ce qu'ils y mettent la main avant que le médecin leur ait donné l'extrême sentence. Et Dieu sait alors, entre la douleur et la frayeur, de quel bon jugement ils vous le pétrissent. Apprenons à soutenir de pied ferme cet ennemi et à le combattre. Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, prenons une voie toute contraire à la voie commune. Ôtons-lui son étrangeté. Fréquentons-le. Accoutumons-nous à lui. N'ayons rien aussi souvent dans la tête que la mort. À tous instants, représentons-la à notre imagination et avec tous ses visages. Au faux pas d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, ressassons soudain, eh bien, quand ce serait la mort elle-même. Et là-dessus, raidissons-nous et faisons effort sur nous-mêmes. Sous Bachelot, il y avait peu de communication, mais il y avait énormément de matériel, trop de vaccins, trop de masques, trop de tout. Et là, on a beaucoup de communication, mais on est à poil, quoi. On n'a aucun matériel. Ben moi, ce discours du 15 avril, il me laisse sur le cul, quoi. Franchement. Ben moi, ce qui m'a frappé, c'est quand il a dit cette fameuse phrase « Mais moi, je suis comme vous. Je suis comme vous. Mais moi, je suis très étonné. Il n'y avait pas assez de masques. » Et je suis très étonné, moi, qu'il n'y ait pas un chargé de com' qui lui dit « Mais monsieur le président, vous ne pouvez pas dire que vous êtes très étonné. Vous êtes le président. » Le niveau du chargé de com', ça doit être du même niveau que le comité scientifique, quoi. Totalement incompétent. Mais qu'est-ce que c'est que ces incapables qui nous gouvernent? Qu'est-ce que c'est que ces administrations pléthoriques, des mecs qui ont des bagnoles de fonction, des secrétariats, machin, etc., et qui sont pas foutus. Les agences régionales de santé, etc. Il y en a partout à tous les étages. J'entendais hier monsieur de Normandie dire on a un État fort avec des préfets, machin, etc. Mais bon Dieu, il est où l'État? France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quand les philosophes se mêlent de la mort et quand les médecins se mêlent de politique, vous venez d'entendre rentrer Consponville à la suite du texte de Montaigne, un mix de différentes réactions de médecins qui commentent les politiques de notre gouvernement, les politiques qui sont en lien avec la médecine et qui les contestent. C'est très délicat car aujourd'hui on ne peut pas aborder cette question-là de la mort dans le cadre de notre discussion sans l'inscrire dans le contexte actuel. Et au fond, Montaigne qui lui-même pouvait conseiller à tout un chacun de cheminer le plus en paix possible avec la mort, en tout cas de s'y confronter au plus près de manière à l'aborder sereinement, il était obligé aussi de réfléchir au rôle des médecins dans la maladie qui peut nous conduire à la mort. Et il était extrêmement sceptique quant au rôle des médecins, qu'il soupçonnait de vouloir avoir le plus de pouvoir possible, voire même de créer des maladies pour pouvoir mieux les guérir. Aujourd'hui, le rôle des médecins dans cette épidémie, il est à questionner aussi. Ils sont absolument indispensables. Et vous pointez, André Comte-Sponville, peut-être le danger d'une politisation du monde médical. Oh, pas d'une politisation du monde médical, mais bien plutôt d'une médicalisation du monde politique. C'est-à-dire que depuis 5 semaines, on voit 10 médecins à chaque journal télévisé, tous les soirs ou tous les midis. Alors, il va de soi qu'ils ont leur mot à dire et qu'on a raison de saluer leur formidable travail, les risques qu'ils prennent, le dévouement dont ils font preuve. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour tous les soignants. Mais cela étant dit, ce n'est pas, bien sûr, aux médecins de décider d'une politique, si vous voulez. Alors, s'agissant d'une pandémie, il va de soi que l'aspect médical est évidemment très important. Mais par exemple, l'aspect économique est important aussi. Vous voyez, et je m'étonne qu'on voit tellement de médecins et au fond si peu d'économistes. Et quand on voit un économiste, on lui demande combien ça va nous coûter. Autrement dit, la décision, elle dépend uniquement de l'avis des médecins. Et puis après, une question subsidiaire, au fait, ça va coûter comment? Non, moi je crois que la décision politique doit tenir compte aussi de la donnée économique. Alors, parfois les gens vous disent, il est obscène de parler d'économie à propos de santé, mais c'est pas du tout obscène, parce que la médecine a besoin de l'économie. La médecine coûte cher et de plus en plus cher, et c'est tant mieux, c'est lié aux progrès médicaux, mais donc on a besoin d'une économie prospère pour la financer, vous voyez. Et quand je vois des gens qui semblent croire que maintenant l'argent va couler à flot dans nos hôpitaux alors que l'économie est en train de s'effondrer, je vois pas bien la cohérence de ce propos, si vous voulez. Alors, cela dit, ce qu'il faut dire, c'est que Montaigne détestait les médecins. Oui, mais il les appelait les savanteux. Ces médecins, heureusement pour nous, ne sont pas les nôtres. Hein, ce sont les médecins de Molière, ou plutôt c'est un siècle avant Molière, donc j'imagine que c'est encore pire. Donc oui, ils leur reprochent ce que vous disiez, d'être un peu des charlatans qui font semblant de savoir alors qu'ils n'y comprennent rien aux maladies, à l'exception des chirurgiens, parce qu'au moins, dit Montaigne, ils voient ce qu'ils font. Ils leur reprochent de travailler pour l'argent, ils leur reprochent de tenir davantage à leur doctrine médicale qu'au bien-être de leurs patients, etc. Mais, encore une fois, ce sont les médecins du XVIe siècle. Moi, je dis souvent d'ailleurs que... pour ceux qui nous bassinent en disant que c'était mieux avant, un tarte à la crème que je ne supporte plus depuis longtemps, moi je leur dis toujours, écoutez, lisez les textes de Montaigne sur les médecins de son temps, et vous verrez qu'il y a au moins un domaine où c'est beaucoup mieux aujourd'hui, c'est le domaine médical. Mais ce n'est pas une raison pour que le politique abdique devant le médical, vous voyez. Les experts sont là pour éclairer... Vous trouvez que c'est le cas ? Je soupçonne que ça commence à l'être un petit peu. Je pensais au moment où on demandait si les vieux, dont je suis encore une fois, allaient être confinés à partir de 65 ou 70 ans plus longtemps que les autres. Moi, encore une fois, ça commence à me peser, le confinement. J'étais un peu inquiet de voir que tous les médecins disaient « Oui, oui, il faut continuer pour les plus vieux après la fin du confinement », comme si nous, on avait... plus droit à la parole, vous voyez, mais les gens qui prétendent m'enfermer pour mon bien, ça me laisse quand même tout à fait perplexe, d'autant que les vieux dont je suis, on n'est pas plus contagieux que les autres, on n'est pas plus dangereux que les autres, on est plus fragile. Mais attendez, moi, je préfère finalement la liberté à l'enfermement. Je veux bien prendre le risque d'attraper le Covid-19 plutôt qu'être enfermé pendant 6 mois ou 1 an. Surtout quand on vous présente comme perspective, après, bon, si vous êtes bien sage, bien confiné, vous finirez tranquillement votre vie dans un EHPAD. Il faut en parler là aussi au moins un instant. J'ai beaucoup de respect et même d'admiration bien souvent pour les gens qui travaillent dans les EHPAD. J'ai beaucoup fréquenté ces endroits, je connais leur dévouement, leurs compétences, etc. Mais j'ai quand même le droit de dire que pour ma part, je suis prêt à tout pour ne pas aller dans un EHPAD. Je préfère attraper le Covid-19 et même mourir du Covid-19 que passer 10 ou 15 ans de ma vie dans un EHPAD. Parce que les gens, il faut bien qu'on s'occupe d'eux, mais vous savez que pour beaucoup d'entre eux, ils y sont contre leur volonté. Ils n'ont pas le droit d'en sortir. Autrement dit, pour beaucoup de résidents des EHPAD, l'EHPAD, en vérité, est un lieu de privation de liberté. D'ailleurs, il y a un personnage dans La République qui s'appelle Contrôleur Général des lieux de privation de liberté, qui a demandé à pouvoir se saisir du dossier des EHPAD. Ben, il a raison. Parce que les EHPAD sont aussi, alors pas toujours, pas seulement, évidemment, c'est pas leur fonction première, mais ce sont aussi souvent des lieux de privation de liberté, vous voyez. Et alors évidemment, si la médecine, si la santé est la valeur suprême, tout vaut mieux que la mort. Et du même coup, l'EHPAD devient un endroit formidable dont tout le monde devrait avoir envie de faire partie. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Et moi, j'ai peur de la dépendance, j'ai peur de l'extrême vieillesse, j'ai peur du handicap, j'ai peur de la maladie d'Alzheimer. Je n'ai pas peur du Covid-19. Et quand j'entendais cette espèce de discours médical martelant qu'il fallait confiner beaucoup plus longtemps pour les plus vieux, j'avais le sentiment qu'effectivement, le pouvoir médical empiétait sur ma liberté. Alors, c'est pas le cas de tous les médecins, c'est pas le cas de tout ce qu'on a entendu à la télévision, mais c'est parfois le sentiment que j'ai eu. Et du même coup, on avait le sentiment que nos politiques avaient une marge de manœuvre de plus en plus réduite par rapport au discours médical. C'est-à-dire, quel homme politique va oser ne pas faire ce que les médecins prescrivent. Oui. Eh bien, je suis content de voir qu'en l'occurrence, le gouvernement a décidé de fixer la fin du confinement au 11 mai et que ça valait aussi pour les plus vieux d'entre nous, même si, en l'occurrence, ça n'était pas l'avis majoritaire des médecins. Mais là, on touche aux limites peut-être des bienfaits de la méditation sur la mort qui vous permettent justement d'aborder non seulement cette question avec sérénité, mais aussi de vouloir privilégier votre liberté sur une éventuelle sécurité ou sur des raisons de santé. Mais est-ce que ça, c'est tenable à l'échelle d'une société? C'est bien le problème du passage du privé au public. Que vous vouliez vivre comme vous l'entendez, ou Montaigne, que ce soit son cas, est une chose. Mais à l'échelle collective, personne ne peut vivre exactement comme lui l'entend. Sinon, là, c'est la société elle-même qui s'effondre. Non, bien sûr. Mais tout ce que je réclame, c'est le droit de dire, en mon nom propre, je fais pas une théorie générale, que pour ma part, je préfère mourir qu'aller dans un EHPAD. Oui. Les gens qui préfèrent aller en EHPAD, mais qu'ils y aillent surtout, et qu'on augmente les salaires des gens qui y travaillent, qui font un métier vraiment très très très difficile. Moi, je suis pas en train de faire une théorie de la société. Je suis en train de défendre mon droit à ne pas rentrer dans ce que j'appelle le sanitairement correct, au sens où on parle depuis des années du politiquement correct. Le politiquement correct, c'est quoi? Bah, c'est dire non plus ce qu'on croit vrai, mais ce qu'on pense qu'il faut dire ou ce qu'il est bien vu de dire. Eh bien, le sanitairement correct, c'est la même chose. C'est c'est dire non plus ce qu'on croit vrai, mais dire ce qu'on croit qu'il est bon de dire, ce qui est bien vu par la société. Alors, ce qui est bien vu par la société, c'est vive les EHPAD. Très bien, et encore une fois, je suis pour saluer le travail des gens qui y travaillent. Mais ça ne m'oblige pas, moi, à dire vraiment, j'ai envie d'y aller. J'ai le droit de dire, je préfère mourir plutôt qu'aller dans un EHPAD. Eh bien, ce seront les mots de la fin, André Comte-Sponville. Merci à vous d'être venu nous parler de Montaigne aujourd'hui. Et j'informe les auditeurs qu'on va bientôt pouvoir lire un dictionnaire amoureux de Montaigne, de votre plume, aux éditions Plon, n'est-ce pas ? En effet, oui. Moi, je l'ai terminé, je l'ai remis à l'éditeur il y a bien 2 mois. Maintenant, je pense que tout est un peu retardé par le confinement, mais la sortie au départ était prévue donc chez Plon au mois de septembre. On ne m'a pas encore informé que c'était reporté, donc je continue à penser que le livre devrait paraître en septembre prochain. Eh bien, on a hâte de vous lire. Merci beaucoup et continuez à bien vous porter. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. When you get out of the hospital, let me back into your life. I can't stand what you do. I'm in love with your eyes. And when you get out of the dating bar, I'll be here to get back into your life. I can't stand what you do. I'm in love with your eyes. Oh, I can't stand what you do. Sometimes I can't stand you, and it makes me think about me, that I'm involved with you. But I'm in love with this power that shows through in your eyes. I go to bakeries all day long. There's a lack of sweetness in my life, and there is pain inside. You can see it in my eyes. Oh, there is pain inside. You can see it in my eyes. It makes me think about me, that I've lost my pride. But I'm in love with this power that resides in your eyes. Oh, you live in modern apartments. Well, I even got scared once or twice. Last time I walked down your street, there were tears in my eyes. Well, now these streets, we all know, they help us cry when we're alone late at night. Don't you love them too? That where you got your eyes. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de rejoindre le domicile de Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de confinement. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs semaines, un mot revient sans cesse dans les discours qui tournent en boucle. Celui d'essentiel. Commerce essentiel, retour ou concentration sur l'essentiel, on n'y prête pas forcément attention, car là ne semble justement pas l'essentiel en ce moment. Et pourtant, cette crise, en faisant tomber toutes nos habitudes, nos réflexes, en bouleversant tous nos concepts, n'a-t-elle pas de fait redéfini ce qu'était l'essentiel ? En Allemagne, le déconfinement démarre très progressivement. Ce lundi, les commerces d'une superficie inférieure à 800 mètres carrés, comme les librairies, les magasins de vêtements ou encore les fleuristes, accueillent de nouveau des clients. Mais la mesure est appliquée de façon sensiblement différente selon les Länder et les lieux culturels, bars et restaurants restent fermés. Je pense que c'est plutôt bien. C'est une question d'opinion. Mais je pense que c'est plutôt bien car maintenant les gens peuvent sortir un peu plus et la normalité est à nouveau possible. qu'est-ce que la normalité ? Pour certains, c'est de voir les magasins et les bars ouvrir, pour d'autres, c'est de revenir au travail et de remettre leurs enfants à l'école. Et pour la plupart, c'est un peu tout ça ensemble. On est d'accord sur ce point, la normalité, c'est d'abord un monde sans Covid, où l'on est libre d'aller et venir, de se toucher et de respirer sans masque. Pourtant, aussi anormal que ce monde sous Covid puisse nous paraître, nous avons tous tenté de nous fabriquer, en quelques semaines, un semblant de normalité. Notre salon est devenu notre bureau, la chambre une salle de jeu, la supérette du coin le bout du monde. Certains ont essayé de préserver un rythme de vie entre travail et détente, quand d'autres en ont profité pour tout bouleverser. Quoi qu'il en soit, notre univers s'est rétréci et tout a été à redéfinir, chacun à sa manière, en fonction de ce qui lui semblait essentiel. Nourriture, cigarettes, connexion internet, une heure sans entendre crier son enfant, papier toilette ou livre à lire, même si on est tous d'accord sur l'essentiel comme manger, avoir accès à des soins, ne pas être isolé ou en danger, chacun a pourtant eu son idée de ce qui, pour lui, était essentiel à ce moment-là. Le commerce essentiel de l'un n'est pas le commerce essentiel de l'autre, et quand la priorité me semble d'acheter des bières, pour mon partenaire, ça sera des pâtes. D'où ma question. Pourquoi ce qui m'est essentiel n'est-il pas foncièrement essentiel ? La nature rose et puis du bleu, du jaune, du vert, ouais, c'est merveilleux. Il y en a même du parfumé, tout ça pour se torcher. Papier toilette, oh papier toilette, papier toilette, oh papier toilette. Il y a personne qui peut s'en passer, tout le monde doit se torcher. La liste de courses est un très bon exemple de cet essentiel à géométrie variable. On s'est beaucoup moqué, par exemple, des pénuries de papier toilette. Mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ça ne serait pas une chose essentielle pour beaucoup ? Ou l'idée que l'on peut se faire de l'essentiel ? Pourquoi pour moi, avoir des bières dans le frigo est-il plus important que des livres dans ma bibliothèque ou que des pâtes dans le placard ? Pourquoi pour ma fille est-il plus important d'avoir des jouets que des compotes ? Pourquoi certains peuvent-ils se passer de pain mais pas de Netflix ? On pourrait voir là une simple différence de goût, une affaire de préférence ou d'ignorance de ce qui est bon ou pas. Mais quand même, pourquoi ce qui me fait tenir moi laisse-t-il indifférent un autre ? Pourquoi ce qui empêche ma mère de sombrer dans le désespoir me semble à moi dérisoire ? Non seulement l'essentiel n'est pas par essence essentiel, essentiel en soi, aux yeux de tous, mais en plus, il semble avoir cette capacité de nous séparer les uns des autres. Quand on y pense, comment d'ailleurs être encore d'accord sur l'essentiel quand il semble si divers, si élastique ? J'ai pu lire que cette crise du Covid avait le mérite de nous révéler ce qui devait être essentiel pour tous. Écouter les oiseaux, manger de manière raisonnée, ne plus dépenser d'argent bêtement dans des futilités. Mais voilà tout le problème. L'essentiel est plastique, protéiforme et parfois difforme. Et même dans les moments où tout se rétrécit, l'essentiel, lui, ne se réduit pas, il change de forme. Au fond, ce qui est fou avec l'essentiel, ce n'est pas seulement qu'il n'est pas foncièrement essentiel, c'est même qu'il est souvent superflu. C'est du plus. Et contre toute attente, je ne crois pas que l'on ait tous ouvert les yeux sur lui en ce moment, mais bien au contraire, je crois qu'on les a tous refermés sur ce qui nous semblait à nous faire la différence. Mais rien n'est à désespérer. Peut-être sera-t-on d'accord et réunis par ce qui fait la différence. Merci beaucoup Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie dont l'aide est toujours indispensable et m'a été plus que précieuse en ces temps de confinement. Manon Delasselle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé pour vous cette émission, à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger, merci au CDM de Radio France qui a assuré une liaison parfaite, merci à mes voisins Ayo et Caroline Cruz qui se sont abstenus de chanter à tue-tête pendant l'enregistrement de cette émission, afin de vous garantir le meilleur son possible, je vous souhaite à tous d'avoir des voisins aussi coopératifs que les miens, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série « Les philosophes face à la maladie ». Demain, la philosophe Claire Marin se demandera si la maladie est une catastrophe intime. Ce sera l'occasion de parler de son travail, mais aussi de Canguilhem et de Georges Perec. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, mais peut-être plus que jamais, télécharger cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins de la philosophie vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. À demain, 10h, et d'ici là, restez chez vous à l'écoute sur France Culture.